J'habite à Grenoble, exactement vers Malherbe, La Bruyère, entre Vigny-Musset et Villeneuve. Est-ce que tu sens comment et à Marie? Alors, la réputation qu'ils ont les quartiers de Grenoble, pas bien vue, mais si on y habite, je pense qu'on se sent mieux que si on vient de l'extérieur. Et, alors déjà, je me présente, Leïla. Tout dépend du bailleur. Je m'occupe du pêle-mêle, tout dépend du bailleur, qui est une boutique de recyclerie qui fait partie de la machinerie où il y a plusieurs choses. Et c'est un tiers-lieu de la régie de quartier de Villeneuve. Okay. Donc c'est une association où il y a beaucoup et énormément de services différents, puisqu'on a des veilleurs de nuit, on a des équipes de ménage, il y a des équipes de peinture. Et nous, ici, on est un lieu qui accueille du public. Voilà. Okay. Vous voulez parler de l'entretien des voies publiques? Oh, oui. Ah, les voies publiques, Grenoble, ça dépend aussi du secteur. Ça dépend des secteurs. Ça évite de jeter, en fait. Vigneuve, Vigny-Musset, etc. On est dans le zéro déchet. C'est pas le top de Grenoble, mais ça passe, quoi. Tout dépend des moments, tout dépend des périodes. Et ça, c'est voilà, la partie un peu plus technique. Où ici, il y a de la 3D, il y a une imprimante numérique aussi. Celle-ci, c'est une brodeuse numérique. On a une découpeuse aussi. C'est pas le top de Grenoble, mais ça passe, quoi. Ils sont en train de faire de la gravure. On fait ce type de gravure sur du bois ou de la découpe bois avec. On peut recréer des pièces. Ici, c'est pareil, quand les personnes, elles ont quelque chose. Bah, Grenoble, c'est une ville complètement sociale quand même. C'est une ville qui travaille sur le fait que... qui mettent en place plein de services différents. Alors moi je suis salariée de l'association, Alban est salarié aussi, la personne à l'accueil est salariée aussi, et après tout le monde que vous voyez autour, c'est un stagiaire, des étudiants, on a des stagiaires qui viennent, Véronne aussi elle est stagiaire, et les autres personnes que vous voyez, bah, c'est des bénévoles, et sans les bénévoles, ce lieu il ne pourrait pas exister, il ne pourrait pas fonctionner, parce que c'est eux qui font vivre ici, le lieu, et qui permettent de pouvoir faire des choses. C'est ça. C'est ça. C'est un beau projet. Moi, je travaille à la MDH. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, on est tenu au budget, on est tenu à beaucoup de choses, à l'économie. Mais on essaye de mettre des choses en place. Et voilà, même si c'est compliqué... ça va, on arrive à faire des belles choses ici. Là, ce que vous voyez, là, le Ripper Café, c'est un des meilleurs ateliers qu'il peut avoir ici. Parce que si vous regardez bien, il y a des jeunes, des gens qui sont plus anciens, il y a des gens qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas, il y a des gens qui sont isolés et qui sont toujours chez eux. Et du coup, ça leur permet de venir voir du monde aussi. Et c'est important, parce qu'on est vraiment dans du lien social. On peut aussi mettre des cafés, on paye des cafés, on met des cafés suspendus. Par exemple, voilà, vous connaissez le principe des cafés suspendus? C'est-à-dire qu'il y a une autre personne qui a besoin de café. Qui n'a pas d'argent, elle peut consommer un café. Okay. Moi, je peux payer deux cafés, en prendre que un pour moi, oui, et laisser l'autre en café suspendu. Voilà, donc ça c'est...